Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci à votre équipe de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer aujourd'hui. Alors, cette communication sur l'ouverture aux religieux de la démarche intersectionnelle vise à discuter les apports, les limites et les difficultés d'une telle approche en sciences humaines et sociales aujourd'hui en France. Je vais essayer de clarifier une posture de recherche qui est la mienne, qui me semble pertinente, sur le religieux, en situation migratoire notamment, et plus en général dans le cadre des relations interethniques. Donc avant de présenter l'architecture de mon intervention, je souhaite souligner deux points qui me semblent être deux prémices importantes pour essayer de se comprendre. Tout d'abord, il importe de définir, même si rapidement, ce que j'entends par domaine des relations interethniques, auquel je me suis formée en troisième cycle, notamment dans le sillage de travaux de Roger Bastide, de Georges Ballandier, de Max Weber, et puis grâce notamment à l'apport de Colette Guillaumin, de Frédéric Barthes et de Daniel Joutot, qui ont largement contribué à le construire. Ce domaine, qui en français porte la préposition « inter », avec un trait d'union parfois, parfois non, contrairement à l'anglais « ethnic relations », pointe donc par son appellation l'importance de la dimension relationnelle. Ce domaine concerne les migrations internationales, les ethnicités, les racismes, pour le dire rapidement, mais aussi des formes de régionalisme, et qui sont de différents ordres, et qui sont traversés, voire produits, par des rapports de domination et de pouvoir, notamment par l'usage par trop spontané, voire par des formes d'instrumentalisation publique et privée des relations interculturelles, qui, du coup, tombent dans un domaine qui n'est pas de l'ordre du spontané, mais de l'affichage et de la catégorisation. Donc dans ce domaine figurent déjà plusieurs rapports de domination qui sont susceptibles d'être articulés. Et dans la proposition initiale de Bastide, qui en français a inventé ce terme, et qui a justement inscrit les relations syncrétiques des descendants d'esclaves du Brésil à l'imbrication entre la race et le religieux, on peut dire que tout de même, en France, le domaine des relations interethniques a longtemps été pensé comme pernicieux. Pour trois raisons principales. Tout d'abord, parce que les minorités ethniques pourraient se constituer en tant que structure intermédiaire entre les citoyens et la République. Dans ma propre expérience d'enseignant-chercheur, quand j'enseignais à Rennes 2, j'ai moi-même, dans un cours de Master 2, pourtant eu droit aux commentaires d'une étudiante qui, avant même de commencer la première séance, m'a dit « Madame, je ne pourrai pas suivre votre cours de Master 2 puisque je suis républicaine ». On était à Rennes en 2007. Voilà. Et en tant qu'objet hybride, ensuite, les minorités susceptibles, ces minorités ethniques susceptibles de casser la définition du territoire scientifique de la sociologie qui concernerait l'Occident civilisé, industrialisé et l'anthropologie exotique, donc tradition mise en place entre la fin du 19e et le début du 20e. Et puis reprise, quelque part, cassée en partie aussi par les post-colonial studies. Et puis troisième raison, du point de vue d'une lecture conçue comme concurrentielle à l'égard du rapport domination qui en France s'impose comme structurant par excellence, à savoir la classe sociale. Je fais notamment référence aux travaux de Maurice Halbwachs, revenu de Chicago, et à la lecture contextualisée de son approche qui a été largement divulguée à la fois par Gérard Noiriel, puis par Christian Topalov. Voilà, toute la question qui consistait à dire on ne peut pas traiter Marseille comme Chicago, pourtant Marseille comme Paris, au moment où Halbwachs l'écrit, aurait pu faire l'objet des mêmes travaux. Donc, en synthèse, des tensions scientifiques et même politiques existent, sont présentes dans le domaine des relations interethniques auxquelles je me suis formée en doctorat, avant que des chercheurs, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, soient d'une certaine façon piqués par cette mouche intersectionnelle qui pique de manière symbolique, j'y reviendrai. D'ailleurs, ça se passe au moment où on se pose la question « Faut-il être colonial ?» C'est le titre d'un dossier de la revue Labyrinthe en 2006. Et l'affirmation de cette démarche dans les autres pays de l'Europe politique diffère largement. Je pourrais mentionner simplement la manière dont certaines chercheuses britanniques, par exemple Claire Mitchell ou Khurshid Wadia en Grande-Bretagne, ont appréhendé le religieux des descendantes de migrants avec des outils intersectionnels sans aucune hésitation ni avoir à se poser trop de questions. Alors, cette piqûre symbolique, intersectionnelle, somme toute générationnelle, je suis née dans les années 70, j'ai terminé ma thèse au début des années 2000, engendre quand même différentes postures dont il faudrait repérer des rythmes collectifs et individuels, mais aussi des continuités avec une historicité antérieure à la piqûre symbolique intersectionnelle qui ne peut pas être niée. Voilà, j'essaie de dire que quelque part on pourrait utiliser le paradigme de Henri Lefebvre qui a parlé du rythme analyse de la ville et déplacer cette rythme analyse pour reconstruire une historicité des articulations des rapports de pouvoir et essayer de saisir quels sont les va-et-vient, les inclusions, les exclusions du religieux dans cette imbrication. Donc cette démarche pourrait permettre de montrer comment l'intersectionnalité intègre l'analyse du religieux sans forcément le réduire à une lecture fonctionnaliste qui a pour vertu, selon les dires de Marcel Gaucher, qui tend à faire apparaître à chaque fois sous couvert de religion que c'est quelque chose d'autre qui fait sens véritablement et qu'en fait le religieux cache toujours autre chose et qu'il n'existe pas en tant que tel. Alors cette lecture me pose problème, le religieux est certes toujours articulé avec autre chose mais pas au point de dire qu'il est simplement une couverture. Et il faut également rappeler que les tensions entre l'effet de race, l'effet ethnique et l'effet religieux, déjà, avant d'en venir aux rapports sociaux de sexe, ne constituent pas un nouvel objet pour les sciences historiques, déjà, du moins à partir de l'étude du fait juif, pris depuis des siècles par l'ethnicisation et la racisation, et puis aussi en raison d'autres mises à l'écart du religieux dans l'étude de la racisation, qui ont été suivis par des volontés de renouer ensuite avec le religieux. Donc à ce sujet, je peux mentionner rapidement, quitte à le reprendre dans le débat, une sorte de diatribe qui a existé entre l'historien de la microhistoire italien Carlo Ginzburg et l'historien des idées Peter Brown, au sujet d'un certain nombre de juifs tués à Majorque au début du christianisme, qui pour Peter Brown représente juste une forme de conflits religieux et qui, pour Ginzburg, sont déjà à l'affirmation de l'antisémitisme qui n'a pas besoin d'attendre des siècles et des siècles pour s'affirmer. Autre exemple assez flagrant dans le livre de Jean-Frédéric Schaub sur la politique de la race, voilà, on voit bien en réalité la place du religieux dans la colonisation de l'Amérique latine et il se situe dans le sillage de toute une tradition d'historiens français qui ont travaillé, y compris Carmen Bernand, anthropologue, qui ont travaillé sur l'Amérique latine et sa colonisation. Disons que cette question est la nécessité, le souci même de la contextualisation diachronique et synchronique dans les enchevêtrements entre racisation, ethnicisation et religieux s'est imposé comme le point nodal de la réflexion que j'ai personnellement déployé dans un ouvrage que j'ai coordonné avec Marie-Claire Willems et Vincent Maury à la suite d'un colloque et qui va paraître aux éditions Petra dans une collection qui s'appelle Intersection. Alors, avec un S à la fin. Alors, ce livre invite à penser des ajustements dans le cadre d'un sous-champ au sein des sciences sociales contemporaines, en montrant précisément que le religieux implique aussi de jongler, comme le remarque justement Sébastien Chauvin dans le papier qu'il nous a fait lire, jongler avec les abstractions qui, comme tous les faits sociaux, sont réels dans leurs effets, pour les sujets individuels comme pour les sujets collectifs. Et donc, il me semble que cette citation qui a déjà été reprise, en fait, fait véritablement référence à William Isaac Thomas et à son idée que des représentations, des croyances peuvent engendrer des effets concrets et réels. Même si l'exemple initial qui était pris et qui est toujours utilisé pour nos étudiants est celui de Wall Street Crash à New York, donc la peur qu'il puisse y avoir une crise économique engendre le fait que tout le monde va retirer son argent de la banque, mais voilà, c'est un effet bien concret, il y a eu un effet pour les États-Unis et pour le monde entier de taille économiquement. Mais quand Donna Haraway en 88 souligne qu'il n'y a pas de vision immédiate découlant des points de vue des assujettis, puisque la vision implique des instruments de vision, il y a quelque chose qui m'intrigue, au sens où ça permet de réfléchir à la manière dont la situation intersectionnelle est un champ de bataille qui est investi simultanément par des acteurs variés qui ont certes des définitions multiples en termes d'auto et d'hétérodéfinition, comme le souligne aussi Sébastien Chauvin dans son papier, mais je dirais qu'il est important d'inclure parmi les acteurs à prendre en compte les chercheurs eux-mêmes. Et je pense qu'au fond, il faut se poser une question un peu effrontée. Qu'est-ce que l'intersectionnalité apporte de plus dans l'analyse des problèmes sociaux que la recherche qualitative n'a pas déjà permis de déblayer, ne serait-ce que quand on prend en compte le débat anthropologique entre l'émique et l'éthique. Voilà. Et donc, dans ma première partie de cette communication, je présenterai quelques éléments liés à l'affirmation de l'intersectionnalité en France. Il s'agira de regarder en face la spécificité de la tradition scientifique et politique hexagonale, mais aussi des passerelles, des déplacements entre les Amériques et l'Europe, sur ces analyses et sur la place laissée et prise par les chercheurs qui travaillent sur le religieux et l'intersectionnalité. Dans une deuxième partie, je propose plutôt d'aborder des logiques sacrificielles inhérentes à des recherches que j'ai menées sur des pratiques de pureté ou de purification dans les relations sociales qui, même si dans différents moments de mon activité de recherche, la thèse, des recherches qui ont suivi la thèse et puis des recherches plus récentes, renvoie à des sujets individuels et collectifs susceptibles de ne pas être reconnus à part entière comme membres d'une nationale et qui convoquent le corps dans ces logiques dont il me semble important précisément de revenir à ce qu'on fait avec le corps et au fond même avec le désir à un moment donné quand on est pris dans ces rapports de pouvoir imbriqués. Alors, dans cette première partie, il s'agit de situer historiquement l'ancrage de l'intersectionnalité en France par rapport à son affirmation dans les Amériques et de voir aussi quel type d'exclusion, d'inclusion le religieux a pu avoir. En fait, la question que je me suis posée, c'est comment les sciences sociales ont mis à distance et puis réintégré le religieux dans l'analyse de l'ordre social raciste, de l'ethnicité, avant même qu'il soit question d'imbrication avec les rapports sociaux de sexe. Évidemment, je pense que c'est clair, nous sommes dans un champ de rapport de force au sens au bourdieusien du terme et la socio-histoire de l'imbrication des rapports sociaux de domination peut se faire de différentes manières en même temps, c'est-à-dire qu'il faudrait se demander d'où l'on parle, d'où l'on démarre, de quel pays, non seulement où se situe le chercheur qui pose la question, mais aussi quel est le contexte politique et scientifique dans lequel il se situe, parce que j'ai déjà évoqué que les relations interethniques impliquent une imbrication des rapports sociaux, mais elles permettent aussi un travail de dissociation. On sait bien que ethnicisation et racisation sont très proches, mais pas complètement superposables, par exemple, comme l'ont montré Véronique de Rouder, François Bouche, Christian Paré et même Ahmed Siméra. Mais à l'instar de ces processus, d'autres rapports de pouvoir pris en compte dans l'intersectionnalité peuvent avoir des logiques propres et ils sont pourtant difficilement séparables dans la réalité sociale et historique autant que dans l'analyse. Donc, comme le souligne Francesca Scrinzi en 2008, ces rapports sociaux correspondent à une division du travail, à un problème d'organisation matérielle de la société, c'est-à-dire que les différentes formes de domination, je la cite, fonctionnent à l'appui d'éléments communs qui les interconnectent en faisant de l'une le véhicule de l'autre. Il y a donc un travail symbolique de catégorisation sociale des sujets individuels et collectifs qui prend appui sur la naturalisation qui fonctionne précisément comme légitimation. Or, l'histoire de l'intersectionnalité ne se fait pas tout à fait de la même manière selon que le pays où l'on commence à penser cette imbrication de rapports de pouvoir soit, disons, la France ou pas, et que le rapport social à partir duquel on pense l'imbrication théorique et empirique est celui du genre ou pas. Je peux vous citer à titre d'exemple le début d'un appel à communication d'un colloque sur intersectionnalité pouvoir qui a eu lieu en mai de 2016. Et il commence par dire la question de l'articulation des rapports sociaux de genre et de classe a été pensée de la fin des années 70 en France par des féministes matérialistes en termes de consubstantialité et de coextensivité, Kierkegaard est cité évidemment, inscrit dans l'héritage du black féminisme des années 70. Le terme d'intersectionnalité a quant à lui été forgé de l'autre côté de l'Atlantique en 1989 par la juriste américaine Kimberlé Crenshaw et ça continue jusqu'à évoquer à la fin la religion comme catégorie possible, comme rapport social possible à associer dans l'imbrication. Dans cette présentation, l'analyse de Kierkegaard de la consubstantialité s'inscrit donc dans le sillage du black feminisme, mais elle est citée en amont, et la religion est donc mentionnée comme un élément agissant dans la fabrique potentielle des inégalités. Ce n'est pas tout à fait la même définition, la même démarche qu'adopte Francesca Scrinzi quelques années avant, en 2008, quand, dans un papier paru dans les cahiers du CEDREF, qui s'intitule « Quelques notions pour penser l'articulation des rapports sociaux de race, de classe et de sexe », et qui analyse l'articulation non pas à partir du genre, mais à partir de la race. Et elle souligne que c'est à partir des années 70 que la question de l'imbrication des rapports sociaux a commencé à être soulevée au sein des mouvements des femmes et dans la recherche, notamment grâce à l'action du féminisme black dans les pays anglophones. Elle poursuit, elle ne cite pas le religieux, mais en tout cas, elle n'a pas besoin d'emblée de citer Kierkegaard, même si elle défend la consubstantialité et qu'elle y met du genre. Alors, elle s'interroge donc sur un débat qui en 2008 est en plein essor dans la sociologie des migrations et des relations interethniques en France, et elle pointe à mon avis très finement qu'un des domaines de recherche négligés en 2008 concerne les processus de production des masculinités dans le cadre du CAIR international, et donc concrètement dans sa thèse, elle a également travaillé sur les hommes philippins qui travaillent à domicile dans les familles aisées en France et en Italie. Mais elle néglige pas dans l'absolu le religieux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à l'université de Glasgow, elle travaille sur la manière dont les migrants évangéliques utilisent la religion et les réseaux associés à leur culte pour accéder à l'emploi, pour redorer leur image, pour favoriser l'ascension sociale, construire la respectabilité. Mais ce sont deux exemples, en tout cas, qui nous alertent quant au fait que le « d'où on parle » doit être pensé de différentes manières et vraiment contextualisé. Et si quelques passerelles ont pu exister entre la France et le Royaume-Uni, il me semble tout de même qu'on peut parler d'une véritable césure atlantique qui s'est imposée pour ce qui est de la priorité attribuée aux rapports sociaux qu'il importe d'articuler entre eux. Je veux dire par là qu'en France, au début des années 2000, les rapports sociaux de sexe se sont imposés comme un rapport social à partir duquel il était pertinent et légitime de démarrer l'articulation. Par ailleurs, comme je l'ai déjà anticipé, la temporalité française demeure saccadée, il n'y a pas un processus continu, elle est marquée par une tradition scientifique nationale majoritairement axée sur la classe sociale. Et donc au début des années 2000, il a fallu inclure la race dans la classe sans que pour autant un consensus pleinement reconnu ne soit parvenu à s'imposer au sein des sciences sociales, comme le prouve également l'extrait de Scrinzi que je viens de citer. Donc c'est l'idée que selon de nombreux chercheurs français qui se situent dans le sillage de Maurice Halbwachs, la race et l'ethnicité sont résorbées par la classe sociale et n'ont pas de spécificité, fonctionnant à leurs yeux comme un élément de dernière instance au sens marxien du terme. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, dans mon département de Nanterre, qui est un grand département de Nanterre, il n'est même pas question d'employer le mot race avec des guillemets, le terme et l'approche est inacceptable. Voilà. Voilà, donc on a des cours complètement contradictoires vis-à-vis de nos étudiants, encore aujourd'hui. Et en l'absence d'un tel consensus, il importe également de constater qu'une double ambiguïté a pu surgir dès lors qu'une place plus digne a été laissée à la racisation et à l'ethnicisation. Donc dans le cadre de la sociologie du travail et des professions, l'intersectionnalité s'est mise en place en privilégiant d'abord l'articulation entre rapports sociaux de sexe et de classe sociale, tandis que dans le domaine migratoire, les rapports sociaux liés à l'ordre racial et au fait ethnique ont été en lutte et en tension sur leurs priorités à l'égard de la classe sociale. Voilà, les migrants sont les représentants de la classe ouvrière où ils ont leur spécificité. Voilà, c'est une question que d'autres se posent encore. Pour ensuite inclure les rapports sociaux de sexe et éventuellement et sous condition le religieux. On va voir pourquoi sous condition. Donc je ne suis pas encore en mesure de vous restituer une véritable revue de littérature exhaustive sur les dictionnaires et sur les revues ayant joué le jeu de consacrer des notices ou des articles sur l'intersectionnalité tenant compte du religieux, mais disons, il me semble que dans la décennie comprise entre 2004 et 2014, globalement, les supports scientifiques francophones spécialisés sur le religieux évitent d'aborder l'intersectionnalité frontalement. En regardant les sommaires de revues francophones spécialisées dans les rapports sociaux, dans les migrations et dans les relations interethniques, et puis quelques revues généralistes, il y a trois constats qui me semblent émerger clairement. Donc j'ai un peu regardé les sommaires des cahiers du genre, les cahiers du CEDREF, Nouvelles questions féministes, la REMI, migration et société, homme et migration, mais aussi société contemporaine et l'homme et la société. Donc, premier constat, en choisissant de consacrer un numéro à l'intersectionnalité, ce qui est le cas de société contemporaine, homme et société et REMI, ou de consacrer beaucoup plus de dossiers, le cas extrême est celui du cahier du CEDREF et du cahier du genre, on peut dire que rares sont les revues qui s'ouvrent aux religieux. C'est-à-dire que les cahiers du genre ont fait l'effort en 2012 de consacrer un dossier aux religieux, qui s'appelle « Religion et politique », mais le sous-titre me semble déjà assez édifiant, puisque, je vous le lis, c'est « Les femmes prises au piège », coordonnées par Jacqueline Heinein et Shara Razavi. Il commence par une présentation qui pose les questions suivantes. Jusqu'à quel point l'intrusion de la religion dans l'arène politique constitue-t-elle un frein pour l'égalité des sexes? Quelles en sont les retombées sur les combats que mènent les femmes? Et on peut continuer, mais disons que c'est une lecture unilatérale de ce que la religion peut représenter en termes de domination et contrôle des femmes. Donc, pourquoi d'autres savoirs institués qui sont susceptibles d'instaurer de la domination ne sont pas autant analysés avec ces lunettes? Pourquoi pas la médecine, alors que Foucault, depuis un moment, Thomas Laqueur, ont montré quand même qu'il y a des sacrés rapports de domination? Alors, il faut, deuxième constat, souligner également que les cahiers du genre, qui dans cette période ont fait paraître 8 dossiers, les cahiers du CEDREF, pardon, qui ont fait paraître 8 dossiers sur l'articulation des rapports sociaux, dont un numéro qui met largement l'accent sur l'apport sud-américain du collectif Comay Rivers sur le black feminisme nord-américain, et ben, les cahiers du CEDREF ont consacré aux religieux un article sur l'islam en 2008, dont je suis l'auteur, jalon pour une lecture imbriquée du genre et du religieux dans le champ des migrations et des relations interethniques en France. Et en 2017, 9 ans après, Sarah Demar, qui avait participé à notre colloque, en écrit un sur les églises du réveil. Stop. Troisième constat, les archives des sciences sociales des religions et Social Compass, si j'ai bien vérifié, n'ont pas publié jusque-là de dossiers sur l'intersectionnalité, mais des articles, dont par exemple celui de Gwendoline Malenfer, qui directement ou indirectement ont une approche de genre et qui s'ouvre à l'intersectionnalité, ou alors des comptes rendus d'ouvrages mentionnant cette approche. Ensuite, il n'en est pas question dans le dictionnaire du fait religieux, alors qu'une des deux auteurs, Danielle Hervieux-Léger, emploie, elle, depuis Bellerette, le terme de division sexuée du travail religieux, ce qui me paraît fort utile. Et il faut également mentionner la notice sur la religion que Béatrice de Gasquet a rédigée pour l'encyclopédie critique du genre, parue en 2016, où la question de l'agentivité des ressources religieuses est largement soulignée, sans que pour autant ne soient oubliées les normes, la division sexuée du travail religieux. Et donc de Gasquet insiste sur le constat suivant, la construction religieuse du genre et de la sexualité n'est pas stable. Ainsi, un même rituel comme par exemple le nida dans le judaïsme peut être associé à des représentations parfois opposées. Donc c'est clairement une lecture intersectionnelle qui conduit à pointer les paradoxes ethnocentrés de l'opposition entre la soumission des croyantes et la sécularisation nécessairement libératrice pour ensuite s'ouvrir sur l'enjeu de l'agentivité. Donc c'est un texte exhaustif qui se complète avec d'autres notices, celles sur la contraception et l'avortement, l'incorporation, le gouvernement des corps, la nation, les vêtements et la virginité. C'est moi-même qui ai rédigé cette notice sur la virginité et je m'en saisis pour dire que pour moi ça a été une occasion importante pour retravailler sur les différentes significations et pratiques dans l'espace et dans le temps, souvent indépendantes de la croyance ethnocentrique en l'existence de l'hymen dans le corps des femmes. Ça m'a permis de renforcer mon intérêt sur le thème de l'incorporation dans la fabrique de l'enfance à laquelle je m'intéresse depuis 2009. Ça m'a également permis de revenir sur mes pas et de me rendre compte qu'au début des années 2000, mon analyse des revendications de virginité chez les descendantes de migrants nord-africains et nord-africaines était certes plus sensible aux religieux que la lecture de Christelle Hamel ouvertement intersectionnelle mais fermée aux religieux. Mais je m'interroge aujourd'hui sur la dimension postcoloniale que j'ai traité sans hésitation et qui m'interpelle puisque en fait d'autres chercheurs quelques années après mes textes ont également révélé que chez les familles itinérantes évangéliques comme chez des descendants de migrants ouest-africains néo-pentecôtistes des revendications semblables existent sans qu'il y ait un lien avec la dimension postcoloniale, de genre certes, mais pas la dimension postcoloniale. Et donc ce constat m'a aussi conduite à me demander sur quels outils conceptuels peut réellement, véritablement reposer l'analyse du corps qui s'impose dans le cadre de lecture intersectionnelle postcoloniale, puisque au fond, aujourd'hui, je me demande pourquoi Pourquoi la lecture marxienne, gramscienne et fanonienne, certes intéressante, a été autant centrale? Pourquoi Roger Bastide n'a pas été aussi utilisé alors que son travail critique d'Alvax est très ancré sur l'usage de la mémoire et le corps chez les esclaves brésiliens me paraît aujourd'hui central sur cette géographie des corps parce qu'il y a de la domination, il y a de la gentilité en même temps. Pourquoi toute la littérature anthropologique sur l'enfance et sur l'incorporation et l'expérience du grandir à laquelle je me suis familiarisée par la suite, notamment la littérature britannique, n'a pas été mobilisée alors qu'il y a de quoi faire des agencements théoriques intéressants. Bon, donc il me semble que le texte Sarah Brake, Antigone, le foulard et la République, paru en 2009 dans l'ouvrage collectif sous la direction d'Elsa Dorlin, Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination, et un peu un texte parangon que j'ai beaucoup lu, qui m'a beaucoup motivé, beaucoup intéressé, y compris pour la référence à Antigone. Mais en même temps, il me semble qu'il est prisonnier, ce texte, d'une catégorisation au sens de hétéro-définition qui ne prend pas suffisamment en compte les jeux d'autodéfinition des sujets minorisés. Et ça m'interpelle d'autant plus que dans la perspective développée par Patricia Hill Collins, toujours donc dans une vision intersectionnelle, l'hégémonie et les catégorisations hégémoniques constituent seulement une des dimensions permettant d'expliquer les matrices de la domination. Donc, bien qu'il ne soit pas central dans son approche intersectionnelle, le domaine hégémonique pour Collins, relevant de la naturalisation culturelle et idéologique des rapports de domination, est finement pensé de manière articulée avec trois autres domaines de pouvoir qui ne sont pas à négliger. Ce sont des domaines d'ordre structurel, en lien avec les lois, les institutions, mais aussi disciplinaires, pour tout ce qui relève de la gestion administrative et bureaucratique. Et enfin, ce sont des domaines de l'ordre de l'interpersonnel, voilà, quelque chose qui serait plus proche des relations interethniques au sens de Véronique Roder, en relation avec les pratiques ordinaires, bien qu'informées par de multiples hiérarchies. Donc, plus qu'une mise à l'écart permanente, le religieux, notamment celui des groupes minorisés auxquels je me suis intéressée, a connu des temps faibles et des temps forts de légitimité dans l'articulation avec le racisme, et il me semble que cette affirmation peut être élargie à l'intersectionnalité, au sens où il importe de rappeler que depuis fort longtemps, le religieux a été contesté en tant que rapport social. Je reviendrai peut-être là-dessus dans le débat, mais concrètement, François Vatin, éminent professeur de sociologie à Nanterre et très ouvert sur l'économie, on va dire, et qui a une grosse connaissance de la sociologie marxienne, a pointé dans une notice sur le rapport social paru dans l'Encyclopédia Universalis que ce terme apparaît déjà à la fin du 18e siècle et que ce terme s'est prêté à un débat entre les frères Mirabeau parce que pour un frère, disons, qui s'adresse aux Français au sujet de la constitution civile du clergé de 1791, la religion n'est pas, elle ne peut pas être un rapport social, c'est un rapport de l'homme privé, j'insiste bien, de l'homme privé avec l'être infini. Celui-là, cette définition lui vaudra la réponse contre-révolutionnaire de son frère émigré, qui est beaucoup plus proche de lui de Bonald, et son frère lui répond « Quoi ? La religion sans laquelle il n'exista jamais de vraie société n'est pas et ne saurait être un rapport social pour son frère, c'est de l'ordre de l'impossible, de la religion est un rapport social. » Bon, en tout cas, le thème rapport social est bien marxien, et même si Marx l'a développé en 1867, notamment dans le Capital, même si ce terme ne revient pas si souvent, et il l'employait déjà dans la critique de Proudhon en 1847. Mais ce qui est clair et intéressant à reprendre, qui n'est jamais, parce que ce n'est jamais évoqué, c'est que Karl Marx utilise ce concept dans le paragraphe sur le fétichisme de la marchandise, où il dénonce la naturalisation des catégories économiques par les économistes libéraux qui prennent les rapports entre les hommes pour des rapports entre les choses. Voilà. Et donc, c'est précisément par la réduction à des sujets, soit-il individuel et collectif, catégorisé et dominé, que l'intersectionnalité a parfois eu du mal à nuancer certaines réalités religieuses, où il me semble d'autant plus important de prendre en compte l'autodéfinition qui se construit à la lisière contre, avec, en contournant les définitions majoritaires. Et donc, en conclusion de cette partie, j'insisterai sur le fait que Marcel Mauss, De Martino, la microhistoire italienne, ont été pour moi des outils importants dont je vais parler dans les 10 minutes dont je dispose encore pour la deuxième partie de la présentation, qui sera plus brève, mais qui pourra donner lieu à des questions. C'est-à-dire qu'il m'a semblé important de faire référence à la manière dont je me suis différemment intéressée à des formes de pureté féminine, non pas parce que voilà, je visais les femmes, mais parce que par ces formes, par ces recherches de pureté et de purification, souvent de leur corps, mais aussi des relations dans lesquelles elles étaient prises, je tombais sur des logiques sacrificielles associées à des formes de subjectivation. Et ces formes de subjectivation me paraissent particulièrement importantes, puisqu'elles sont directement en lien avec des autodéfinitions qui ne subissent pas passivement la catégorisation extérieure. Et parce qu'au fond, quand j'ai commencé mes recherches de troisième cycle, en m'intéressant notamment au foulard, ce n'est pas un mystère, ce qui me posait problème, c'est que non seulement la femme voilée est forcément une femme qui nous exprime bien en français, mais qu'elle est forcément du côté de la barbarie du sauvage et de la boétie, et de l'aliénation. Et donc cette catégorie qui cache en fait un jugement d'aliénation et qui empêche de voir là où l'aliénation se cache pour d'autres me paraît extrêmement dangereuse socialement. Il n'est pas certain que toutes les tentatives de se positionner et d'agir par la religion donnent des solutions, mais c'est l'histoire de chacun d'entre nous de trouver des solutions et de pas forcément de chercher des solutions tout au cours de la vie sans forcément en trouver. Et je ferai référence à mes recherches doctorales où j'ai notamment travaillé sur les contraintes corporelles et sur les identifications des musulmanes rejoignantes et descendantes. Les contrastes entre les hétéros et auto-identification de différents islams au travail dans mes recherches postdoctorales et même dans une recherche plus récente, donc les caissières et les vendeuses de la grande distribution dans les quartiers nord de Marseille, les mendiantes kosovars du quartier parisien de la gare de l'Est qui disons, sont actives notamment devant les salles de prière de la rue du Faubourg-Saint-Denis, mais aussi les candidates assistantes maternelles dans une commune du Val d'Oise. Et enfin, je ferai référence, même si rapidement, quitte à y revenir, sur la question de la conversion à l'évangélisme de femmes susceptibles d'être racisées, ethnicisées en tant que femmes gitanes ou descendantes de migrants nord-africains, qui ont connu donc une socialisation familiale musulmane ou catholique et qui ont un rapport particulier, enfin, et qui montrent un rapport particulier aux religieux, en dépit des catégorisations de gitanes ou de musulmanes dont elles continuent de faire l'objet en dépit de leur conversion, bien évidemment. Donc, sur la question des contraintes corporelles et des identifications des musulmanes rejoignantes et descendantes de migrantes, j'insisterai tout d'abord sur le fait qu'il m'a paru important de dissocier cette catégorie femmes musulmanes qui, encore aujourd'hui, pour de nombreux chercheurs, sans faire de procès, est une catégorie majoritaire unique qui ne se prête pas à des dissociations scientifiques. Et donc, les rejoignantes n'apparaissent qu'en creux dans les travaux sur les descendants de migrants et seulement lorsqu'il est abordé la question de la famille, de l'école, au plus rarement du travail. Depuis la seconde moitié des années 90, la plupart des travaux qui ont porté sur la transmission ont mis l'accent sur les ruptures entre les jeunes et leurs parents, notamment en matière d'islam. Et tout le travail de transmission conscient-inconscient et l'expérience religieuse n'a pas tellement étudié. Et donc c'est précisément cela qui m'a interpellée pour ces femmes qui ont migré dans la plupart des cas précisément en se mariant avec des hommes dont elles savaient qu'ils vivaient déjà en France ou qu'ils allaient migrer et qui donc ont transmis un islam à des filles qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui ne peuvent pas se permettre d'être les étrangères génériques absolues en tant qu'étrangères, puisqu'elles sont françaises et socialisées dans une école française, mais qui portent le poids de l'altérité et d'une coupure par rapport à nous, national français, qui est largement agissant. Et donc, le travail sur les contraintes corporelles, mais aussi les tensions entre ces mères migrantes et leurs filles qui ne pratiquent pas du tout les mêmes islams, mais qui sont pourtant en continuité, y compris avec des arguments d'un côté scientifique, je ne me rends pas à l'islam, au hammam parce que je pourrais attraper des microbes, ou en revanche des filles qui ont développé toute une pharmacopée prophétique avec des graines de nigel que leur mère n'a jamais utilisée, mais qui est au fond une pratique un peu bobo, même si les bobos n'existent pas vraiment. Bon, voilà. De tout un tas de plantes en version religieuse montrent une pluralité de ressources du corps qui n'est pas simplement l'objet d'une marque et une surface de catégorisation, mais qui est aussi une ressource, voilà, dans le cadre de l'autodéfinition. L'autre point, là-dedans, je voudrais dire que même si j'ai pas mal utilisé Myriam Cook dans son article traitant des stratégies rhétoriques féministes islamiques dans le monde musulman et en situation migratoire, qui fait donc référence à la double conscience de Du Bois, ce qui est moins convaincant pour moi dans son travail, c'est qu'elle se limite à dire que les femmes musulmanes sont racisées sans forcément le montrer et sans forcément montrer quelles sont les pratiques de femmes musulmanes. C'est-à-dire que tout mon travail a consisté à dire que travailler sur ces femmes musulmanes ne veut pas dire travailler sur n'importe quel sujet catégorisé, puisque la catégorie de musulmans, pour moi, n'est pas simplement une catégorie majoritaire qui engendre de la discrimination. C'est également une ressource, une autodéfinition avec une expérience concrète. D'où l'enjeu de la prière et des pratiques religieuses qui ne sont pas forcément directement liées et axées sur le culte, mais en lien avec une posture, avec une expérience, avec une spiritualité qui ne peut pas être négligée. Voilà. D'où voilà, mon dissensus et mon malaise face à ces réductions qui parfois permettent de voir un peu mieux les engagements politiques. Par exemple, le travail de Daniel Joly qui vient de paraître en français l'année dernière est tout à fait intéressant, mais voilà, c'est dommage de passer à la trappe de l'expérience, des expériences religieuses et des tensions qui se cachent là-dedans. Y compris, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on sait par rapport à des mosquées où des hommes et des femmes peuvent prier les uns à côté des autres dès lors qu'ils sont ouvertement homosexuels et lesbiennes. Voilà. Voilà. Comme il me reste 5 minutes, j'insisterai sur le fait que, puisque c'est en écho avec quelque chose que Sébastien Chauvin a dit, la situation des mendiantes kosovars. Kosovars que j'ai rencontrées en voulant travailler sur les flux de fidèles qui sont gérés par les cadres associatifs des différentes salles de prière qui sont nombreuses près de la gare de l'Est, notamment dans la rue du Faubourg Saint-Denis et dans les alentours. Les mendiantes kosovars et roumaines sont très utiles, elles ont une fonction, parce que face à la centralité minoritaire religieuse que ces mosquées, ces salles de prière exercent, puisque la plupart des fidèles viennent de la banlieue, hein, pour avoir accès à des salles de prière un peu plus dignes que d'autres, ces mendiantes indiquent où se trouve une salle de prière, des salles de prière qui n'ont pas de traces de marques dans la rue. Elles sont cachées à l'intérieur de cours, où on peut déduire qu'il y a des salles de prière quand il n'y a pas de flux de fidèles, simplement parce qu'il y a des interdictions pour les fidèles à ne pas cracher des noyaux de date, à respecter tel et tel interdit de la mairie de Paris. Mais voilà, il y a même des sonnettes sur lesquelles le mot mosquée est couvert par du sparadrap. Hein. Voilà. Donc, il y a tout un travail d'invisibilisation des flux des fidèles dans ces cours, et la fonction des mendiantes est doublement importante. Un, pour marquer la présence, l'existence d'une salle de prière. Deux, parce que pouvoir faire zakat pour les musulmans est quand même un acte important. Et en dépit de leur fonction très importante, ces femmes kosovars se faisaient chasser dès lors que des vigiles, dans la plupart des cas, bénévoles et sans titre de séjour, donc pas des sans-papiers engagés dans le mouvement, mais quand même sans titre de séjour, décidaient à un moment donné qu'elles étaient trop nombreuses, notamment avec leurs enfants, trop visibles, qu'elles étaient sans doute même pas des bonnes musulmanes d'ailleurs, et certainement déguisées en tant que musulmanes, et que leur présence voilà, n'avait pas lieu d'exister. Voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que autant, dans la continuité de mes travaux de thèse, je me suis rendu compte combien les difficultés des descendantes, qu'elles soient voilées ou pas, sont liées à la simultanéité d'être soumises à la fois au racisme et à l'ethnicisation, mais aussi à un problème de loyauté à l'égard de leurs hommes musulmans, de leur propre groupe. Autant, dans cette situation des Kosovars mendiantes, on voit combien les rapports sociaux de sexe s'imposent là où il y a partage de la situation de migrants sans titre de séjour. Voilà. Et donc, ce n'est pas le religieux qui cache autre chose, c'est que le religieux ne veut plus rien dire et l'obligation religieuse passe à la trappe. Voilà. Et il y a quelque chose qui, pour moi, est à interpeller, à interroger. Là-dedans, les travaux de Jean-François Baer, qui a beaucoup œuvré pour une lecture défétichisée de Mons, m'ont paru importants. Notamment par rapport à la manière dont il insiste chez Mons sur le rapport à la temporalité dans le lien existant entre phénomène de la vie religieuse et activité collective. Je pourrais y revenir dans le débat, mais en tout cas, il me semble vraiment important de dire que dans les situations empiriques où les rapports sociaux de domination s'agençaient, j'ai souvent assisté à un style dramatique, une sorte de théâtralisation, si vous voulez, y compris dans cette mise en scène de l'appel de la police et de la police qui arrive pour chasser en étant appelé par des hommes musulmans, quelque chose que Lefebvre avait déjà analysé dans la proclamation de la Commune en 1965, un style dramatique qui se redéfinit aujourd'hui dans les rapports sociaux contemporains, qui engendre des dramaturgies, qui montrent que la mésentente, les dissentiments, le conflit sont paradoxalement la condition d'une société vivable et d'une présence à soi-même, et pour lequel donc les travaux de Carlo Ginzburg, qui a travaillé sur des sans-voix, qui sont structurellement construits comme tels, je pourrais revenir sur la situation de son meunier, qui est forcément accusé par l'Inquisition d'être un sorcier, puisqu'il habite en tant que meunier dans un lieu isolé et non contrôlé par le centre-ville, par le centre du village et par les villageois, et qui est forcément l'objet de tout un tas de soupçons. Voilà. Comment, entre la catégorisation, le soupçon, la catégorisation et les représentations, les cadres symboliques et les ressources d'autodéfinition se mettent en place des marges de manœuvre, des agentivités qui sont importantes à étudier à côté de la domination, de l'oppression et de l'exploitation. Pour conclure ma question de provocation consistant à dire qu'est-ce que nous apporte cette intersectionnalité, je pense qu'elle nous apporte beaucoup dès lors que, plutôt que de s'interroger énormément sur le blanchiment de cette approche, pour citer Sina Bilgeu, il me semble encore plus important d'analyser des rapports sociaux de domination pris dans des cadres historiques, pris dans des temporalités. Et pour ce qui est du religieux, tout particulièrement, je pense qu'il peut conduire à des assignations, mais il peut également activer des formes de mobilisation ordinaire, des résistances, voire des endurances, face à des déterminismes qui aujourd'hui se portent bien, qui sont pris dans des injonctions, dans des tensions. Et donc cette piqûre symbolique de l'intersectionnalité qui a davantage touché ma génération de jeunes chercheurs, qui sont plus jeunes que ça, mais cette piqûre symbolique me rappelle la piqûre symbolique à laquelle j'ai été formée en Italie avant le troisième cycle, où le tarantisme comme forme d'émancipation culturelle qui s'appuie sur une piqûre d'une tarente araignée symbolique qui engendre un rituel d'émancipation de femmes qui leur permet une présence à soi et une régulation collective par la musique et la danse, d'un malaise qui est lié à des rapports sociaux de domination, par la violence, par le fait d'avoir été obligée à se marier avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas, par le fait d'avoir un mari parti à l'étranger ou de subir des violences. Voilà. Cette piqûre symbolique qui se règle par un rituel, peut-être que au sein de l'intersectionnalité, revenir à des cadres temporels et à des contextualisations implique réagir. C'est peut-être quelque chose du rituel pour dire un peu les choses autrement, mais ne pas rester. Mais voilà, ce qui pour moi est important, c'est que dans le rituel, il y a forcément une mise en scène de la théâtralisation, il y a une construction de la mise en scène. Voilà, il me semble important que si dans l'intersectionnalité il y a quelque chose qui est de l'ordre de la mise en scène, on ne peut pas dans la mise en scène se limiter à la prise en compte de la catégorisation, et dès lors que notamment on s'intéresse aux religieux, il est important de situer historiquement, contextualiser le religieux aussi en tant que pratique, en tant qu'expérience, qui ne se limite pas à des rapports horizontaux, mais aussi qui tient compte du fait qu'au-dessus de soi, il y a un monde qui s'appelle l'au-delà et qui est existant et qui a un effet réel, encore une fois, sur le quotidien ordinaire et matériel. Voilà, merci.